إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés dans cet épître de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah au deuxième fondement qui est la connaissance de la religion islamique avec ses preuves. Il a dit, rahimahullah, la religion islamique consiste à se soumettre à Allah en unifiant, se conformer à son ordre en lui obéissant et se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Elle est de trois degrés. El-Islam, El-Iman et El-Ihsan. La soumission, la foi et l'excellence. Chaque degré ayant ses propres piliers. Donc, ce deuxième fondement, qui est la connaissance de la religion islamique, avec ses trois degrés, comme les a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier degré d'entre eux est l'islam, qui consiste à se plier à son ordre en l'adorant lui seul, sans aucun associé, et à se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Quiconque accomplit cela sera devenu musulman, c'est-à-dire qu'il se sera soumis, humilié et résigné devant Allah seul, en l'adorant sans lui associer quoi que ce soit. En adorant Allah tabaraka wa ta'ala sans lui associer quoi que ce soit, tout en se désavouant totalement du polythéisme et de ses adeptes. Allah ta'ala dit à ce sujet, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Quiconque mécroit aux rebelles, aux tarouts, et croit en Allah, aura saisi l'anse la plus solide. Le fait de mécroire aux tarouts signifie se désavouer du polythéisme et de ses adeptes, réprouver leurs actes, être persuadé que ceux-ci sont vains, inutiles et invalides. Le deuxième fondement inclut également l'Iman et l'Ihsan, la foi et l'excellence. Et tout cela fait partie de la religion de l'islam au sens général, celle qu'Allah a légiférée et pour laquelle il a envoyé tous les messagers. Aussi, la notion de Islam, c'est-à-dire soumission, met particulièrement l'accent sur les actes visibles. Donc le premier degré, comme il dit le cheikh dans son épître, en parlant de l'islam, il dit « Les piliers de l'islam sont au nombre de cinq. L'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, et le pèlerinage à la maison sacrée. » Donc ces cinq piliers qui sont les piliers de l'islam que le cheikh a cité ici. Conformément à ce qui a été rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a été bâti sur cinq piliers. L'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée. Puis, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité, La preuve au sujet de l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration autre qu'Allah est sa parole. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste qu'il n'y a de vraie divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. Et aussi les anges et les doués de science, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le tout-puissant, le tout-sage. Sa signification, donc, de cette attestation, c'est qu'il n'existe rien qui mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Donc, la ilaha, c'est la négation. Elle exclut tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et illallah, c'est l'affirmation, le fait d'affirmer que le droit d'être adoré est exclusivement réservé à Allah. Il n'a aucun associé dans son adoration, de même que personne ne lui est associé dans sa royauté. L'explication et la clarification de cette attestation se trouvent dans sa parole. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Et il en fit de cette déclaration une parole qui allait se perpétuer parmi sa descendance afin qu'ils y retournent. Il y a une preuve aussi, et dans sa parole, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Dit, ô gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que les uns d'entre nous ne prennent point les autres pour divinité et seigneur en dehors d'Allah. Puis s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous, nous sommes soumis. Fin de la citation de l'épître du Cheikh. Donc ce premier pilier qui est l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, le Cheikh l'a expliqué. Cela signifie que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci est composé de deux parties, la négation et l'affirmation. Allah a dit à ce sujet, « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul que nous implorons l'aide. Et aussi, il a dit, « Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din » Il leur a été commandé cependant de n'adorer qu'Allah en lui vouant un culte exclusif. Et il a dit, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. C'est ainsi, parce qu'Allah, lui, est le vrai, alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Quant au fait de prononcer cette attestation sans l'appliquer, ceci est inutile auprès d'Allah, tabarak wa ta'ala. Comme la personne qui dit la ilaha illallah, mais qui n'adore pas Allah exclusivement. C'est le cas des hypocrites qui prononcent cette attestation de leur langue sans être profondément convaincus. Ils seront dans le plus bas fond de l'enfer. Aussi, quiconque prononce « La ilaha illallah » et adore les tombes ou les statues, son attestation ne lui est d'aucune utilité, elle est même invalide. Puis, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit, la preuve au sujet de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah et sa parole, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, il vous est venu un messager pris parmi vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Cette attestation implique de 1. Lui obéir dans ce qu'il ordonne. 2. Croire fermement à ceux dont il informe. 3. S'écarter de ce qu'il interdit et ce contre quoi il met en garde. 4. De n'adorer Allah que par ce qu'il a légiféré. Donc, ce messager, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, dont il parle, est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pris parmi vous, c'est-à-dire vous le connaissiez bien, puisqu'il a été pris parmi vous, il fait partie de l'une de vos nobles tribus, les Banu Hashim, auxquels pèsent lourd les difficultés que vous subissez, c'est-à-dire tout ce qui vous est difficile l'est également pour lui, qui est plein de sollicitude pour vous. Il souhaite ardemment que vous soyez guidés et fait tout pour vous sauver du feu. Par ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Muhammadur Rasulullah » Muhammad est le messager d'Allah. Et comme a dit le cheikh, cette attestation, elle exige 4 devoirs de la part du serviteur qui la prononce. Premièrement, l'obéir dans ce qu'il ordonne, comme le fait de faire salat, la zakat, etc. Deuxièmement, croire fermement à ceux dont il informe, que ce soit dans les nouvelles de l'au-delà, du paradis, de l'enfer, ou dans les nouvelles des peuples passés. Troisièmement, s'écarter de ce qu'il a interdit et de ceux dont il a mis en garde. Par exemple, le fait qu'il ait interdit la fornication, les intérêts, ou tout autre acte interdit par Allah et son messager. Quatrièmement, n'adorer Allah que par ce qu'il a légiféré, ce qui implique de ne pas inventer et innover dans la religion d'Allah ce qu'il n'a pas légiféré. En raison de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quiconque effectue un acte dans notre religion qui n'en fait pas partie, ceci sera rejeté. Aussi, dans une autre version, quiconque effectue un acte sans que notre commandement le précède, ceci sera rejeté. La preuve au sujet de la prière et de la zakat et de l'explication de l'unicité se trouve dans sa parole. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Il leur a été commandé cependant de n'adorer qu'Allah. Lui vont un culte exclusif d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Voilà la religion de droiture. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ. Allah Ta'ala a également dit au sujet de la salat et de la zakat, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Et il a dit, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. S'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Puis le cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimallah, a dit. La preuve au sujet du jeûne est dans sa parole. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. On voit donc que ce verset est la preuve de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan jusqu'à sa parole « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » le mois du Ramadan pendant lequel le Coran a été révélé. Donc, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire chaque année. Puis le cheikh a cité la preuve au sujet du pèlerinage et dans sa parole « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison, la Kaaba. Et quiconque m'y croit, Allah se passe largement de l'univers. Donc, la preuve concernant le pèlerinage est dans ce verset. Il y a aussi la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens « Il y a en son sein des signes évidents » parmi lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout. Et quiconque y entre est en sécurité, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison sacrée, et quiconque m'y croit, Allah se passe largement de l'univers. Donc le pèlerinage est obligatoire une fois au cours d'une vie, pour celui qui en a les capacités, en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le pèlerinage n'est obligatoire qu'une fois. Quiconque ajoute aura fait un pèlerinage surérogatoire. Ce hadith est rapporté par Ahmed Abu Daoud al-Nasa'i. Elle a été jugée authentique. Puis le cheikh parle du deuxième degré qui est al-iman. Al-iman, la foi. Il dit, la foi, al-iman, comporte plus de 70 branches. La plus haute d'entre elles est le fait de dire la ilaha illallah. La plus basse d'entre elles consiste à éloigner un obstacle nuisible qui gêne le passage. De même, la pudeur est l'une des branches de la foi. Ces piliers sont au nombre de 6. De croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. La preuve au sujet de ces 6 piliers est sa parole « لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ » La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident, mais la bonté pieuse consiste à croire en Allah au jour dernier, aux anges et aux livres et aux prophètes. Et la preuve au sujet du destin est sa parole. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toute chose selon un destin prédéterminé. Donc, ici, le cheikh parle de la foi qui est de plusieurs branches. La foi qui se rapporte ici aux actes du cœur, comme le fait de croire fermement en Allah, qu'il est le Seigneur des mondes, que c'est lui qui est en droit d'être adoré, de croire fermement aux anges, aux livres, aux envoyés, à la résurrection, après la mort, au paradis et à l'enfer, et au destin bon ou mauvais. Tout ceci est en rapport avec le cœur. La foi est une base essentielle et indispensable. Il n'y a pas d'islam sans la foi. Et il n'y a pas de foi sans islam. Il n'y a pas d'islam sans iman. Et il n'y a pas de iman sans islam. Ils sont interdépendants. Il est indispensable que les membres se soumettent et que les cœurs, à leur tour, aient la foi et se soumettent. C'est pour cela qu'Allah a rassemblé ces deux notions, la foi et la soumission, dans son illustre livre, de même que son envoyé sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. D'ailleurs, al-islam et al-iman, quand ils sont cités séparément, ont un sens commun. Et que ce soit al-islam, al-iman, ou bien ad-din, la religion, tout ceci a un même sens. C'est-à-dire, cela comporte tous les actes du cœur, de la langue et du corps. Et aussi les paroles du cœur et de la langue. Donc, cela comporte tout cela. Cela comporte tout cela. Alors que quand ils sont cités ensemble, dans un même endroit comme dans le hadith de Jibril, alors chacun a un sens un peu plus précis. Al-Iman parle des actes cachés qui sont liés aux croyances du cœur, et Al-Islam parle des actes visibles qui sont liés aux paroles et aux actes apparents. Ainsi, Al-Islam, la soumission, c'est la mise en application apparente des ordres d'Allah et le délaissement apparent de ses interdits. Quant à Al-Iman, la foi, elle englobe les actes intérieurs qui se rapportent au cœur en y croyant fermement. Ceci étant, de manière générale, quand on utilise dans un contexte le mot Islam, sans la mention de Iman, elle englobera non seulement les actes apparents mais aussi ceux du cœur. Et réciproquement pour le mot « iman » utilisé seul dans un contexte. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Or, ceci inclut les actes internes et apparents. Il en est de même pour la foi, l'iman, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih « Al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah » La foi se compose de plus de 70 branches, ou 70 et quelques branches. La plus noble d'entre elles est le témoignage qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et la plus basse d'entre elles est d'éloigner un obstacle nuisible qui gêne le passage des gens. Et la pudeur est une branche de la foi. Dans ce hadith, la foi englobe la totalité, les piliers de l'islam, et l'ensemble des actes visibles, de même qu'elle englobe les actes intérieurs, ainsi que l'ihsan, que l'excellence, qui est le troisième degré de la religion islamique. Puis le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dit le troisième degré, l'excellence, el-ihsan. Il a dit, el-ihsan ne comporte qu'un pilier, qui est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. La preuve de cela est sa parole, inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, c'est-à-dire la parole d'Allah ta'ala. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint, avec piété, et ceux qui sont bienfaisants. Ainsi que sa parole, subhanahu wa ta'ala, وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Et place ta confiance en le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Ainsi que sa parole, Azza wa Jalla. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprenez. Donc l'ihsan ici, elle consiste à accomplir les adorations de manière parfaite ou de viser l'excellence, aussi bien intérieurement qu'extérieurement. En fait, ceci consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Quiconque a cela à l'esprit pendant qu'il adore Allah aura atteint le degré de l'ihsan, de l'excellence, et tout le bien lui sera rassemblé, comme Allah l'a dit, certes Allah est avec ceux qui l'ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants. Et il a dit, inna rahmatallahi qaribum min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Les versets qui vont dans ce sens sont très nombreux. Puis le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, cite, la preuve issue de la sunna au sujet de ces trois degrés est le fameux hadith de Jibril, alayhi salam. D'après Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui rapporte, alors que nous étions assis auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voilà que se présenta à nous un homme aux vêtements d'un blanc éclatant, à la chevelure d'un noir vif. Il ne manifestait aucune trace de voyage et nul parmi nous ne le connaissait. Il vint s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plaçant ses genoux contre les siens et posant les paumes de ses mains sur ses cuisses. Il dit, ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, l'islam consiste à attester qu'il n'y a de vraie divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, à accomplir la prière, à s'acquitter de la zakat, à faire le jeûne du mois de Ramadan, et à effectuer le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. Cet homme dit, il dit, tu as dit vrai. Nous fîmes étonnés de le voir s'informer auprès de lui, puis l'approuver. Puis il dit, informe-moi au sujet de la foi. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, et à croire au destin, qu'il soit agréable ou pénible. Il dit, informe-moi au sujet de l'ihsan, de l'excellence. Il sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Puis il dit, informe-moi au sujet de l'heure. Il sallallahu alayhi wa sallam répondit, l'interrogé n'en sait pas plus à son sujet que celui qui l'interroge. Il dit, informe-moi donc sur ces signes précurseurs. Il sallallahu alayhi wa sallam répondit, lorsque la femme donnera naissance à sa propre maîtresse, et quand tu verras les va-nu-pieds, nus et miséreux, éleveurs de brebis, rivaliser dans l'édification de constructions élevées. Puis l'homme partit. Nous restâmes un moment, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, « Oh Omar, sais-tu qui nous a interrogés ?» Nous répondîmes, « Allah et son messager savent mieux. » Il sallallahu alayhi wa sallam dit, « C'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. » Concernant les six piliers de la foi, l'iman, Allah Ta'ala m'a permis d'expliquer ça à maintes reprises, et parmi les fois où j'ai pu l'expliquer, c'est dans l'explication de Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a, la croyance des gens de la Sunna et du groupe des croyants, qui vient d'être mis en ligne en 10 cours. Ce livre qui est le livre de Cheikh Mohammed Ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah. Donc ceux qui veulent y revenir pour avoir des cours détaillés sur les 6 piliers de la foi, ils peuvent y revenir. Ces cours se trouvent sur notre chaîne Telegram Durus Sunnah, inshallah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.